J'ai 12 heures. 12 D'accord. heures sans sommeil. Waouh. Ouais. Ouais. Et vous aimeriez, enfin, tu aimerais ajouter une voix à ton répertoire, enfin, oui, à laquelle tu tiens. Freddie Mercury, c'est chaud, c'est ah, chaud. Je suis ouais, un grand fan ouais, de Freddie ouais. Mercury. Ouais, ouais. Et Empty Space, Empty Space. Ah ouais, il y a 3 octaves et demie de tessiture, mm-hmm. donc c'est costaud quand même. Ouais, ouais. Sinon, oui, moi, j'ai plutôt tendance à faire des voix graves, donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire des voix féminines, etc. Ça ouvrirait énormément. Okay. Pas encore de voix féminine. Bah les vampes, quoi. C'est pas très féminin. Ah oui. Des fausses femmes, quoi. Ah oui, il y a, oui, y a Maggie Debloc. Ah vrai. Oui, oh là, j'ai vu. Mais on parlait de féminine aussi. Ouais, ouais, j'ai vu, magnifique. Pas d'animal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ya, yeah, bonjour, je suis très content d'être. C'est une vraie parodie, hein, ya. Yeah. Ça fait mal à ton oreille, hein. Ah ouais, carrément. Ah, c'est pas grave, c'était malade. Pour rien, non. Ya, yeah. Allez. Enchaîne, hein, parce que là, j'ai pris la ouais, vie, ouais, pardon, hein. Pardon. Alors, une voix qui ne pourrait jamais figurer dans un de tes spectacles. Mais la voix d'Hitler, par exemple, tu vois, parce que c'est ça. Elle, oui, oui, c'est vrai. C'est un personnage. Ça, quoi que ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Mais les gens ne se rappellent plus trop de sa voix. Non. Oui, ça marche en fait. Ouais, ça marche très bien. Ouais, mais ouais. Je n'ai pas de limite, quoi. J'adore faire Jean-Marie Le Pen. Alors je lui fais dire les pires choses possibles oh, pour, bah, écoute, pour dénoncer le fait que ce soit ouais. un véritable gros con. Faut pas pousser beaucoup, tu reprends les répliques. Évidemment, ouais. N'est-ce pas, mais vous savez, moi, je ne dois même pas écrire avec Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas, je prends ses meetings, et puis je parle comme ça à la frange blanche de la France, n'est-ce pas, qui opprime nos chers petits têtes blondes aux yeux bleus, qui sont opprimés par cette masse judéo-maçonnique, islamo-maghrébo-mamboula, n'est-ce pas, voyez-vous. Voilà, donc je lui fais dire des atrocités, enfin je lui fais dire ce qu'il dit en général, mm-hmm. mais j'ai pas de limite. Si, quand même. Ouais. En fait, je pense que quelqu'un aussi détestable qu'un Le Pen ou autre a de l'intérêt. À l'intérêt que je le fasse, mm-hmm. Pour se foutre de lui, pour. Ah oui. Mais il y a des gens qui sont totalement inintéressants, et genre qui sortent de la télé-réalité, etc. Voilà, c'est ça. Je me dis, bah, pff, aucun intérêt, mm-hmm. aucun intérêt. Déjà, je vais toucher moins de monde, ou alors pas le public que j'ai envie d'avoir, mm-hmm. donc voilà. Donc, pas du tout people, Fabien Le Castel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je peux faire aussi quelques people, ah, évidemment. Le people plaît. Quand on peut se foutre de la gueule des people, c'est toujours génial. D'ailleurs, nous recevrons aujourd'hui Jean-Luc Lahaye, très heureux cette année, puisque Saint-Valentin tombait un mardi. Sa compagne n'avait pas école le lendemain. Ah, sacré Jean-Luc, il viendra nous chanter son dernier tube. Son dernier tube, une reprise. Qu'est-ce qui craque ? C'est l'hymen. Par contre, RQC, Radio Libre. Ah oui, là oui, complètement là. Ça va, c'est 14h, les enfants sont à l'école. Normalement, oui. Alors... D'ailleurs, il les attend à la sortie. Alors, vous êtes plutôt Gainsbourg ou Gainsbar ? Ça, c'est la question des Alors, plutôt Gainsbourg, parce que... Enfin, je sais pas, je le fais très mal en plus. Non, mais, c'est bien, c'est pas mal, je trouve. Oh, je préfère le chanter, tu vois. Mais... Mais putain, moi, oh, je pense qu'il y a l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Mm-hmm. Parce qu'avec avec Gainsbourg, t'es mal barré, avec Gainsbourg, t'es mal bourré. Ben, voilà, mais non, ouais, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme Renaud sans Renard, quoi. C'est, ouais. Et tu es plutôt Charles Michel ou Elio Di Rupo ? Oh ! Eh bien, écoutez, moi, moi, c'est Elio Di Rupo, évidemment. Hein, alors, je suis plutôt. Oh là là, c'est difficile à dire, parce que les deux ont de l'intérêt au niveau humoristique. Maintenant, j'étais très content, je pense que j'étais un des seuls Wallons, je vais faire ça avec ma voix, j'étais un des seuls Wallons à être content que Charles Michel devienne Premier ministre, parce que c'est le seul dont j'allais faire la voix. Ah non. Voilà, je dis soit Maggie de Bloc, soit Charles Michel, ou De Wever, même De Wever, ça m'aurait plu. Ah, monsieur le Premier ministre, super d'avoir accepté notre invitation. l'impression, alors. Mais écoutez, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. En plus, les murs sont bleus. Je suis très heureux. Ah oui, on a tout repeint. On m'avait déjà invité pour le chiffon rouge, mais je ne sais. On m'a jamais invité pour le chiffon rouge, d'ailleurs. Je suis très étonné. Alors que moi, si, évidemment. Vous savez. Je ne sais pas quoi dire, mais vous savez. D'accord. Voilà. Alors, tu es plutôt vraiment. Ah si, vous savez quelle est la. Excuse-moi, je suis. Oui, non, bah oui, évidemment. La différence entre moi-même et un chercheur d'or. Ah merde, c'est visuel ça. Ça ne marchera pas à la radio. C'est toujours. Le chercheur d'or, lui, il prend son petit ami comme ça. Voilà. On vous laisse deviner, on vous laisse imaginer. Un petit tamis, le tamis, évidemment, pour tamiser. Oui, hein, la lumière tamisée, oh, j'adore. Alors, tu as déjà répondu plus ou moins à la question. C'est plutôt Raymond Devos ou Pierre Desproges? Ah, au niveau humour, c'est vrai que ça peut. Ah oui. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Je dirais quand même par moucronoiserie Raymond Devos. Ouais, ok. Mais Desproges, c'est quand même. Ah, c'est fort. Hein, ouais. C'est très fort. Alors, plutôt Laurent Gérard ou Michael Gregorio? Laurent Gérard. Sans hésitation. Sans hésitation, parce que Grégorio est arrivé 1 ou 2 ans avant moi et m'a piqué ma place, cet enfoiré. Il y avait un créneau pour les chanteurs. Ouais, mais j'aime beaucoup, ouais. J'adore Grégorio, je le trouve extrêmement talentueux. Maintenant, Gérard, il me fait rire. Voilà. Ouais. Et si j'ai envie d'aller voir un concert, je vais voir un concert. Si j'ai envie de rire, ben je vais voir un spectacle d'humour et j'ai envie de rire. Donc voilà, plutôt Gérard. La plume de Gérard. Mais oui. Il y a d'excellents auteurs. Il est excellent imitateur. Il y a un capital sympathie énorme. Non, je dirais le Gérard. Ouais. Ouais. J'ai plus envie de faire du Gérard que du Grégorio, entre guillemets. Sans vouloir avoir d'étiquette, mais ouais. Plutôt Jacques Brel ou Arnaud? C'est parce que j'avais vu qu'il y avait une super imitation d'Arnaud. Alors, moi, j'ai envie de dire, yo, tu peux pas faire mieux que Jacques Brel. Tu vois, je pense, tu vois le bazar, hein. Parce que moi, je suis un ostendé avec un ostendu, mais allez, moi, j'ai repris Brel, parce que pour moi, c'est le plus grand. Tu vois, moi, je suis ouvert comme une vieille pute, et je prends tout ce qui vient, mais ça, je prends en premier, tu vois. Mais oui, Jacques c'est Brel. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Si Jacques Brel, pour moi, c'est Jacques Brel. Ah oui, ouais. C'est un bel hommage, Arnaud. Merci. Mais j'adore Brel. Moi, il y a des chansons. Moi, les Vieux Amants, moi, c'est une chanson. Et il y a une phrase dans Les Vieux Amants que je trouve merveilleuse. Finalement, il lui fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Mm-hmm. Et plutôt Cyril Hanouna ou Jérôme Devoirzé? Fabien. Oh là là, j'hésite. J'imagine. Jérôme Devoirzé, sans hésitation. Oui. Mais je pense que si tu avais mis Cyril Hanouna avec n'importe quel autre, voire même Fournirait, j'aurais dit l'autre. C'était à ce point-là? Non, j'exagère. Ouais. Mauvaise. Ouais, Fournirait si quand même. Mais expérience apparemment. Hein, mais oui, enfin. Il n'a pas laissé que des. Expérience. Je ne vais pas dire mauvaise, je veux dire expérience. Pas concluante, mais expérience. Voilà, je suis content de l'avoir fait, je suis content de ne plus le faire. Donc Jérôme Devoirzé, une autre rencontre professionnelle qui a chamboulé vraiment ta vie. Je parle bien sûr de Jérôme Devoirzé, hein, pas de Cyril Hanouna. Oui. Une rencontre sur laquelle on reviendra, si tu veux bien, plus largement, après ce deuxième titre de ta playlist, bien sûr. Non, c'est Deep Purple. Ah. Highway Star. Highway Star. Star. Because I loved rock and roll, okay? Yeah. Mais personne ne le connaît ici, mais je peux te faire le chanteur de Black Sabbath. Yeah, hello rock and roll fucking bad. Non, c'est très mauvais. Mais j'adore le rock and roll. Ouais. Ça, c'est du pur rock and roll. Yeah. Deep Purple. Et alors celle-là, il y a des morceaux de guitare. À chaque fois, je suis fou quand j'écoute. Ah ben, on va voir ça tout de suite alors. We'll be right back. Je ne ferai pas du Purple dans le prochain spectacle. Alors c'était Deep Purple et Fabian Le Castel dans Highway Star. Exactement. Alors Fabian, est-ce que ça aide pour la drague être connu? Eh bien non. Non, j'avais une autre question. Eh bien non, pas du tout. Non, c'est vrai. Si, peut-être pour la drague, mais pour quelque chose de sérieux. Pour la conclusion. Pour être sérieux, pour quelque chose de sérieux, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, parce qu'elles se disent, ouais, mais non, mais comment moi je vais faire? Il sera jamais là, il sera tout le temps parti, il sera tout le temps en train de draguer des filles qui vont les le voir à la sortie. Ah bon, les filles pensent aussi loin Mais si elles pensent pas aussi loin, c'est qu'elles veulent pas quelque chose de sérieux. Ah oui, quoi, évidemment, voilà. Évidemment. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, alors, une autre rencontre qui sera déterminante, c'est celle, donc on disait, de Jérôme de Warzée. Donc, voilà. Comment s'est fait cette rencontre, en fait, Fabien? Et après, on va partir sur ma chanson « The Show Must Go On ». Bien sûr. De chauve. De chauve, moi. Ah oui, mais j'avais compris. Hein, ah ouais, c'était pas drôle, en fait. C'est pas parce que j'exulte. C'était le nom d'un de ces spectacles, d'ailleurs. C'est vrai. Chauve Must Go On, ah, exactement. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, en fait, la rencontre avec Jérôme. Yes. Je le connaissais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et lui adore les imitateurs. Donc, je sais qu'il a travaillé déjà avec André Lamy. Et un jour, je fais un showcase d'une heure de trucs que j'avais écrits au Factory Studio, encore près de la rue de la station, là, près de la police. Et je l'invite. Je lui envoie un mail. Je dis, voilà, j'aimerais bien. Il est venu. Il est venu jusqu'à Moucron parce qu'il était curieux. Il voulait voir. Et puis, il m'a dit, bon, il y a du boulot, mais il y a du potentiel. Ça te dirait de venir à la radio de temps en temps? Je fais, mais bien sûr. Tu fais des politiciens? Je fais, mais non. Bon, il y avait encore Dardenne à l'époque, mais il dit non, je ne fais pas de politicien, mais je dis je vais y travailler. Et donc je suis venu faire juste Chirac, parce que lui je le faisais à l'époque où il se perdait un petit peu. J'ai fait Johnny, enfin voilà. Et puis après j'ai travaillé des politiciens, et il m'a pris de plus en plus, maintenant c'est une fois par semaine. Ouais. Voilà. Donc oui, c'était une grande rencontre pour moi. Il a écrit quelques textes aussi de l'ancien spectacle. Ouais. Dans le nouveau, très piquant, il n'y a pas le temps, malheureusement. De quoi? Non, il y a c'est pas vrai le... Non, il n'y a pas le temps. Dommage, il y a pas ouais, le temps. Ouais. Enfin, je lui demande quand même de lui demander d'écrire un sketch pour mon nouveau spectacle. Vous avez des co-auteurs par... Pour l'instant, non. Maintenant, j'en ai trouvé un avec qui je vais travailler, qui s'appelle Jimmy. Mais okay. mais oui. Ouh là là, c'est aux petites heures alors. Non évidemment, hein, nous sommes des oiseaux de nuit. Voilà, c'est là qu'on a tout le. Ben oui, un peu d'absinthe, hein, voilà. une petite cigarette qui fait rigoler, et puis on écrit. Hein. Voilà. Alors en 2012, vous intégrez pour 56 dates quand même, la prestigieuse revue du Théâtre des Galeries, oui. Comme imitateur vedette, donc tu succèdes à Lamy, non? Oui, il y a eu Stéman, Lamy, ah oui, il y a eu quelqu'un entre deux. Richard Ruben et moi-même. Voilà, une véritable reconnaissance encore. Oui, quand même. Ben en fait, ils ne me connaissaient pas du tout, ouais. Ils veulent toujours un imitateur. Et quand Richard Ruben est parti, il a dit bah, « Tu connais personne ?»« Si, je connais un petit jeune là, qui débute. » Et donc, je suis rentré là. Mm-hmm. Et puis là, maintenant, puis j'ai arrêté pendant 2 ans. Et là, maintenant, c'est la 3e année consécutive que j'y suis. Ouais. On fait une cinquantaine de dates en 2 mois. Mm-hmm. Là, c'est costaud, à mon avis, c'est soutenu. C'est hein. Oui, c'est soutenu. Mm-hmm. Oui. Par exemple, là, mercredi, on joue à 15h et 20h15. Ouf. Jeudi, vendredi à 20h15. Samedi, 15h, 20h15. Dimanche, 20h, 15h. donc, ouais, on joue 2, 4, 5, 6, 7 fois. Mais quelle énergie! Tu trouves ça ouf? Enfin, tu te dopes, tu prends des trucs? Non, non, non. Voilà. Je ne prends rien du tout. non, je beaucoup de protéines. Je mange des protéines. D'accord. C'est un bon conseil pour nos éditeurs. Alors, c'est aussi en 2012 que tu mets sur pied un projet international. Oui. Un quatuor d'imitateurs issus de 4 pays francophones. Voilà. C'est pas moi qui mets sur pied. C'est, c'est le Suisse. C'est Suisse. C'est la production suisse qui met sur pied ce spectacle. Mm-hmm. Vous connaissiez déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, à la première du spectacle, on ne s'était encore jamais vu. Non. Le premier jour, on ne s'était pas encore vu. Il y en a deux qui s'étaient déjà vus, le français et le suisse. D'accord. Et on a répété sur Skype, en fait. Mm-hmm. Et ce soir-là, on a fait un spectacle incroyable. C'est vrai? Oui, après ça restait bien, hein, mais ce soir-là, il y avait un truc particulier. C'était assez dingue. L'excitation de passer... Tout a roulé, mais c'était bluffant. Et donc on a fait une grosse tournée en Suisse. Un français, voilà. Et un canadien. On a fait une grosse tournée en Suisse, quelques dates en France. On en avait une ou deux dates en Belgique. Et puis l'année passée, je me suis dit, tiens, il faut le faire tourner en Belgique. Et donc, je l'ai fait tourner un peu en Belgique, dont à Moucron. Oui, tout à fait. Voilà. Et maintenant, on est séparés. On s'est séparés De commun accord Ouais, j'étais plus d'accord qu'eux quand même. Oui, d'accord. Pour plusieurs raisons. Voilà. Ouais. Ah, oui. De production, surtout. Ah, d'accord. Ouais. En parlant de production, vous avez approché, enfin, tu as approché les frères Taloche, c'est ça? Non. Oui. Heureusement que tu ne parles pas de reproduction à ce niveau-là. Tiens, parlant de reproduction, oui, tu approches une vraie calèche. Ah oui, c'est pas mal ça, ouais. Ah oui, oui. En fait, oui, Bruno Taloche. Encore. Ils ne le savent pas encore, c'est ça. Bah oui, oui. Voilà. En fait, il y a un des deux frères Taloche, qui est très doué. Eh bien, l'autre, en fait, est venu me voir en spectacle. Et il a adoré et il s'est dit, tiens, je commence à devenir un peu vieux. Je ne vais peut-être pas faire de la scène tout le temps. Je vais peut-être me lancer un peu dans la prod, produire des jeunes artistes. Et il m'a vu, il m'a proposé, quand moi, je n'étais plus en contrat avec mon ancienne production, il m'a proposé de travailler avec lui. Moi, j'ai accepté. Parce que moi, après avoir été avec 3 ans dans une production un peu particulière, je voulais ma liberté. Donc, lui, il proposait juste d'être manager. Donc, de me trouver des dates, de prendre son bénéf, et moi je restais indépendant. Et c'était quand ça? C'est maintenant? Enfin non, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans déjà, ok. Le temps passe vite. Ouais. Donc tu as participé également à l'émission Belgium's Got Talent. Exactement. Je ne savais pas. Et tu t'es hissé jusqu'en finale. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, il y avait une petite fille qui chantait très faux avec une main comme ça. Voilà, ouais. Voilà, pas cracher dans la soupe, mais... on peut rien, non, on peut pas lutter, on peut pas lutter. Non, j'étais même pas dans les 3 premiers, donc... D'accord. Il y en avait d'autres qui... Non, c'était vraiment pour déconner, et puis parce que voilà, j'ai un vrai problème avec les handicapés, quoi, mais... mais on y reviendra déjà. Non, c'est pas vrai, hein. Non, je sais. C'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai, mais moi, je pense qu'il ne devrait pas pouvoir se garer sur les places non handicapées. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, il y en a déjà assez, c'est vrai. On est plus nombreux, finalement. Hein. Non, mais en fait, mais pour revenir là-dessus, c'est que... un jour, j'ai une amie qui a fait des blagues sur les handicapés et y a tout plein de gens qui ont trouvé ça honteux, etc. Mais des gens valides, voilà. Et j'ai vu des commentaires de gens handicapés qui ont dit mais putain, vous savez que ne pas pouvoir rire de nous, c'est finalement nous mettre de côté, mais rigoler de nous, quoi. Ils sont pas tous comme ça, hein, mais nous aussi on a envie qu'on a envie d'être intégré, donc qu'on puisse se foutre de nous aussi. Et donc j'aime pouvoir rire de tout. Non, mais s'il fallait encore tant que c'est bien fait, hein. Oui, bien sûr. S'il fallait encore témoigner de ta générosité, on peut citer justement le fait que tu sois parrain d'une association Chiara VDS. Oui, Vidon d'Organes et Solidarité. Voilà, donc inspiré de l'expérience de la petite Chiara que tu as rencontrée. Elle bien est sûr. Atteinte d'une maladie génétique rare. Oui. Et tu as déjà aussi organisé un spectacle. Oui, deux déjà. Cette année, c'est passé à la trappe et j'espère en faire un l'année prochaine. Mmh. Enfin, cette année, en fait, au début de 2018. Parce que c'est vrai que bon, ces derniers temps, j'ai un peu été moins actif pour l'association. Mais oui, deux spectacles. Avec des amis à moi, des humoristes, etc. Dont des bons quand même. Il y avait les frères Taloche, Jérôme, Cody, Verino. Verino, j'adore. Verino est venu. Alors il est sympa. C'était son seul jour de congé, il est venu. C'est pas vrai. Il est venu à Moucron. Je lui ai juste payé le train, il voulait rien d'autre. Mm-hmm. Ah non, adorable. Tu l'as rencontré comment, Verino? C'est genre. T'as son 06 dans une boîte à partouze à Paris. D'accord. Non, en fait, je l'ai rencontré. Non, on a fait un gala ensemble. Ah, oui, okay. On a bien sympathisé. Mm-hmm. Et puis on a fait un deuxième gala ensemble et on a re-sympathisé. Et puis j'ai été le voir à Paris. J'aime bien son délire. On est allé le voir à Paris et tout ça. Et puis je lui ai proposé. Il m'a dit oh, mais oui, avec plaisir. Et voilà, donc on a fait 2 éditions de Rire pour Chiara. Oui, ouais. On a à chaque fois gagné 10 000 euros pour l'association. Oh, c'est super. Ce qui a aidé, parce que, enfin voilà, c'est pas une association qui est faite pour Chiara. Non. On peut rappeler justement les voilà, combats. Voilà, je pense qu'en fait les parents sur cette association prennent quasiment rien par mois, mais c'est très peu. Ouais. C'est très très peu. Mmh. Tout le reste de l'argent est vraiment pour Il y a des chambres qui ont été refaites à l'hôpital de Gand où il n'y a que les enfants qui ont des problèmes génétiques, etc. Donc ils ont repeint, ils ont mis des DVD, des vidéos, etc. Ils ont emmené des enfants avec leur famille à Disneyland. Donc ils leur ont vendu un peu du rêve, quoi. C'est important aussi pour le moral de ces enfants. Ils ont adapté un véhicule aussi pour un enfant handicapé. Un véhicule pour qu'il puisse rentrer et sortir facilement de ce véhicule. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites pour ces enfants. C'est des dossiers qui sont rentrés, ils analysent, donc ils font pas ça n'importe comment. C'est vraiment bien fait et ils prônent le don d'organes aussi. Voilà, tout à fait. Alors, depuis 2014, tu parcours la Belgique avec ton spectacle Ma boule à facettes. Voilà. Et j'aimais bien le slogan, en fait. Un one-man show où il obéit aux dizaines de people, artistes, aux politiciens qui logent dans sa tête. Ma boule a besoin d'un psy et la prescription est radicale, humour et dérision. En fait, pour être un bon imitateur, il faut être un peu schizophrène. Mais avant, j'étais schizophrène, mais maintenant, on va beaucoup mieux. Hein, On va beaucoup mieux. Je vois ça. Mais oui, il y a un petit côté schizophrénique. Tu parles tout à l'heure, tu disais bigarde. Johnny, j'aimerais bien en fait. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Bon, mais non, ça craque un petit peu. Hein. Ah bah oui, forcément, c'est le bois. Non, ça c'est moche, ça c'est moche. C'est le bois. Moche. Bah oui. Le sapin ? Oui. Ah oui, d'accord. Il faut descendre un peu. Hein. D'accord. Alors, tu es en train de peaufiner l'écriture et la mise en scène de ton nouveau spectacle. Oui, tout à fait. Ça s'appelait « Mes 10 ans de scène ». « Mes 10 ans de scène ». Déjà, le super jeu de mots, quoi. Ah non, il n'y a pas de jeu de mots. Bah non, c'est « Mes 10 ans, quoi. Je fais 10 ans, c'est « Mes 10 ans ». Ah, mais ouais, purée, j'avais pas pensé. Mais ouais, tu vois. Sur mon affiche, j'ai écrit « Mes 10 ans » du verbe « médire ». Gratos. Non, c'est écrit comme ça sur mon affiche. Non, on te l'offre. C'est bien. Alors, 10 ans de scène déjà. Oh là là. Déjà. T'en as fait un petit bonhomme de chemin quand même. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Alors, je vais parler... il y a le mot « mes 10 ans ». Il n'y a pas que 10 ans, il y a mes 10 ans du verbe médire. J'avais compris. Voilà, donc j'ai été influencé. T'es pas sur Classique 21, mais quand même. Ah, les auditeurs ont compris ? Ouais, je crois. Ah, vous avez compris ? Tous les deux ? Ok, parfait. Alors. ça va, on est rediffusé. Hein. Le téléphone sonne, n'arrête pas de sonner là, voilà. On peut répondre. Non, c'est pas vrai. Oui, bonjour. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui alors question. Ans, alors, là, question. Oui, ouais. Donc du coup je serai mes 10 ans, certainement un peu plus piquant, parce que maintenant on peut plus rien dire. Enfin, en Belgique ça va, on est encore protégé de ça, mais en France on peut plus rien dire. C'est de la folie, on vire des gens des chaînes de télé pour une vanne de 20 ans. Enfin, c'est très bizarre. Donc voilà, j'avais envie d'être un peu plus piquant, d'y aller à fond, influencé aussi depuis 10 ans par Jérôme de Warzé, qui est piquant. T'as vu les boucles d'oreilles en cactus que j'ai mis pour l'occasion? Et donc, je vais aussi parler de mes 10 ans, 10 ans avec un 10 et ANS. Elles sont très belles. Elles sont superbes. Ouais, c'est les auditeurs qui écrivent. Et donc, je vais parler de choses qui m'ont influencé. Oui. Je vais parler de Mister Moucron. Non. Je vais faire un sketch sur les Miss, avec des personnages qui vont se présenter à Miss ou à Mister, tu vois. Donc, je vais venir avec ma vraie écharpe de Mister Moucron. Je vais assumer. Voilà, je vais assumer. L'écharpe de 2008. Ah ouais, quand même. Mais tout en 2008. Hein, 2008 tout est en 2008. Ah ouais, là. Ouais. et puis voilà, je parlerai, il y aura toujours de la musique, je parlerai de l'enseignement aussi, donc je ferai un casting d'enseignants, parce qu'il y a eu le pacte d'excellence, donc on va trouver les meilleurs enseignants qui soient, donc du coup on va caster des nouveaux enseignants. Il y aura aussi une boîte, donc je vais venir sur scène avec une boîte, avec tout plein de choses qui m'ont influencé pendant ces 10 ans, un ukulélé. par exemple, pour Tahiti. Ouais, il y aura plusieurs choses. Donc, il y aura des personnages comme ça qui vont découler de tout ça. D'accord. Donc, la date est prévue vers novembre 2018. À Moucron, novembre 2018, fin novembre, à mon avis. Et dans toute l'Europe occidentale. Et outre Quiévrin et dans les Dom-Tom. Voilà. Ah oui, bah oui.